parler de mon pays. C'est une ancienne colonie indépendante en 62. Le 5 juillet, c'est le jour J, vois. Le 5 juillet, c'est le jour J, vois. Je te parle de l'Algérie, nos grands-parents sont Moudjahed. Ils appelaient pas à l'aide dans la Seine, on les noyait. Massacrés par milliers, on appelle ça un génocide. Nos sœurs se faisaient violer, ces fils de pute étaient violents. Pas de quartier, pas de pitié, t'es le mot d'ordre, t'es enculé. À couronne, il est brûlé, mais la couronne, on l'a gagné. 8 mai 48, 30 000 bonhommes sont fait fumer. Et t'es 45, les tirailleurs tombent pour la France. Ils nous ont promis la liberté, et comme d'hab, ils ont menti. Comme Pétain, ils ont trahi, et ça jamais on sera guéri. On est des guerriers, la guerre commence en 54. Entre les pierres et les traces, la classe pas et les impacts. Vous mettez une belle Bella et leur poteau Che Guevara. T'as même Fidel Castro qui fait partie du complot. Je te raconte pas des blagues, c'est notre histoire, c'est pas un gag. Sous Paris, on se faisait rafler, assassiner en pleine journée. On a vengé Lumumba, demande à notre Mandela. Combattant de la liberté, reconnu dans le monde entier. Afin d'avoir rêvé, Alger voit la liberté. On n'est pas des perdants, de guerre on a gagné. 39-45, 54-62. Et si t'as bien compté frérot, bah tu tombes bien sur deux. On n'est pas des perdants, de guerre on a gagné. 39-45, 54-62. Mon pays c'est l'Algérie, c'est une ancienne colonie indépendante en 62. Le 5 juillet c'est le jour J. Tahed Jazel, Mato Aliya, Mouta Aliya. Frangine c'est pas des blagues, ils t'exécutent et dans ton bloc. Mon pays c'est l'Algérie, c'est une ancienne colonie indépendante en 62. Le 5 juillet c'est le jour J. Tahed Jazel, Mato Aliya, Mouta Aliya. Frangine c'est pas des blagues, ils t'exécutent et dans ton bloc.